Le chef du cercle d'études littéraires sur les idées du Jutsé de Guinée et le président de l'association des journalistes du Népal ont lancé chacun une communication en guise de leurs félicitations à la réussite coréenne au lancement d'essais de la fusée balistique intercontinentale de type Phason 14.